franceinter.fr. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, une histoire d'amour entre deux monuments, Marcel Cerdan et Édith Piaf. Une passion dévorante et une fin tragique. La mort de Marcel Cerdan dans un crash le 28 octobre 1949 rend la môme folle de douleur. Une romance fulgurante, entrée dans la légende grâce à une chanson, l'hymne à l'amour. L'étoffe des rêves, cette histoire. L'enfant pauvre de Casablanca devenu champion du monde, la chanteuse des rues devenue star. Des personnages romanesques, adulés par les Français. Parti de rien, ils connaissent une gloire immense et ils redonnent espoir à un pays en ruine, humilié par l'armistice de 1940 et l'occupation allemande. Tous deux, ils triomphent en Amérique, le pays des G.I.s, du chewing-gum, de Rita Hayworth et du Technicolor. Preuve que l'American Dream peut aussi s'écrire à la française. Les amants de toujours sont le symbole d'une France en transition qui s'achemine lentement mais sûrement vers la modernité. Édith Piaf et Marcel Cerdan, une histoire d'amour intemporelle, intense et tragique qui inspire les cinéastes comme Claude Lelouch. Édith et Marcel d'ailleurs ont failli tourner ensemble, mais le couple illégitime ne sera jamais immortalisé sur pellicule de son vivant. Quoi qu'il en soit, ce couple-là est une passion française. Après le récit, nous recevons le journaliste et écrivain Patrick Mahé qui a relaté leur histoire dans le livre intitulé « Piaf Cerdan, un hymne à l'amour » aux éditions Robert Laffont. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Coralie Baumard avec la collaboration des documentalistes de Radio France. Coordination Christophe Barrère, attaché de production Valérie Priolet-Izard, programmation musicale Muriel Pérez, réalisation Fabrice Lègle, à la technique aujourd'hui Éric Morin. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Nous sommes le 27 octobre 1949, il est 2h55, la constellation BPAZN cesse de répondre à la tour de contrôle de Santa Maria, l'une des 9 îles de l'archipel des Açores. L'avion à destination de New York transporte 48 personnes, dont le boxeur Marcel Cerdan. 2 fois champion du monde, 5 fois champion d'Europe, Marcel Cerdan est une légende du sport français. Mais il est aussi la moitié d'un couple mythique. Marié, il vit tout de même une passion, et cette passion, il la vit avec Édith Piaf. Le roi de la boxe et la reine de la chanson s'aiment, et c'est à sa demande qu'il a pris l'avion. Le boxeur va également à New York pour reconquérir son titre mondial, perdu en juin face à Jack LaMotta, alias Raging Bull. Sa valise sur l'épaule, le boxeur se rend vers son destin dans son costume bleu porte-bonheur. Gai, enjoué, il taquine son manager, Joe Longman, et plaisante avec les journalistes. Dernier passager à embarquer dans le Constellation d'Air France, il doit traverser au pas de course l'aire d'atterrissage d'Orly. Oh, facile pour un sportif. À 20h54, l'avion décolle. Il met cap sur les Açores, route empruntée depuis 3 jours en raison du mauvais temps. Mais l'heure prévue d'atterrissage, largement révolue, et le silence des constellations font monter l'angoisse. À 9h, 8 avions sont envoyés en reconnaissance. À 11h45, l'un d'eux aperçoit les débris de l'appareil sur l'île de São Miguel, à 90 km au nord de Santa Maria. On croit avoir vu des survivants, alors l'espoir demeure. Pour tous les Français, Marcel Cerdan est un homme qui ne tombe pas. Non, c'est un vainqueur. Le champion doit mettre KO le destin. À Casablanca, la ville de cœur de Marcel Cerdan, la population entière est ravagée par l'inquiétude. Une centaine d'enfants montent la garde devant sa brasserie, priant pour que leur héros survive. À la ferme de Sidi Marouf, Marinette Cerdan, son épouse et mère de ses 3 garçons, serre sur son cœur la dernière photo de son mari. À 17h10 à Paris, Air France reçoit un message de Santa Maria. L'équipe de secours envoyée à São Miguel a retrouvé l'épave des constellations Pic de Rotunda à 1100 mètres d'altitude. Mais il n'y a aucun survivant. La nouvelle est confirmée le samedi 29 octobre. La mort de Marcel Cerdan fait alors la une des journaux de New York jusqu'à Paris, en passant par Londres. Hélas, hélas, 3 fois hélas, il n'y a maintenant plus de doute et aussi malheureusement plus d'espoir. Marcel Cerdan est bien mort. Une dernière dépêche de l'United Press, datée de Ponta Delgada, à 7h35, il y a seulement 10 minutes, nous apprend en effet que les corps de Marcel Cerdan et de la violoniste Ginette Neveu ont été identifiés. Il a fallu plus d'une demi-journée d'efforts à la première équipe de sauveteurs, hier, pour atteindre l'épave du Constellation d'Air France qui gisait au pied d'un précipice sur les pentes du Mont Redondo. Munie d'appareils de radio portatifs, cette équipe de sauveteurs a pu décrire au monde le spectacle effroyable qui s'offrait à leurs yeux. Aucun survivant, des corps mutilés et carbonisés éparpillés sur plus de 600 mètres. À New York, Edith Piaf apprend la mort de Marcel Cerdan le 28 octobre vers midi. Noyée dans ses larmes, tout l'après-midi, prostrée dans sa douleur, elle n'a qu'un recours, chanter. Alors, le soir même, elle se produit sur la scène du Versailles, un cabaret de Broadway, pour lui, rien que pour lui. Frêle silhouette prisonnière du projecteur, elle fait taire les applaudissements à son arrivée. Elle annonce au public « Ce soir, je chante pour Marcel Cerdan, à sa mémoire ». Elle entonne « L'hymne à l'amour », la chanson qu'elle a écrite pour lui un mois plus tôt. Mais le courage a ses limites. Terrassée par la douleur, la môme s'enroule dans le rideau de scène au bord de l'évanouissement, après quelques chansons. Pour la chanteuse, le ciel s'est écroulé, la terre s'est effondrée. Durant 4 jours, elle ne réapparaît pas. Le deuil se double d'une souffrance physique liée à une crise de rhumatisme articulaire. Le mal est héréditaire, mais les médecins diagnostiquent aussi une réaction du corps à l'intensité du choc éprouvé. Pour effacer la douleur, ils prescrivent le plus puissant des calmants, la morphine. Ses bienfaits sont immédiats, bien sûr, et l'usage médicamenteux se transforme bientôt en abus. Le 2 novembre, jour des morts, le corps de Marcel Cerdan est transporté des Açores jusqu'à Casablanca par avion cargo. L'homme qui portait 3 montres au poignet pour connaître l'heure de New York, de Paris et de Casablanca a été identifié grâce à l'une d'elles. Un cadeau d'Edith, gravé à ses initiales. Le 3 novembre, elle décide de reprendre son tour de chant qu'elle ouvre toujours par l'hymne à l'amour, la scène comme remède au deuil. Marcel Cerdan est enterré le 10 novembre 1949 à Casablanca. Dès 10h, la foule se presse sur les trottoirs du boulevard de Lorraine pour rendre hommage aux champions. Les pleurs et les signes de croix remplacent désormais les acclamations. Petits et grands, hommes et femmes, observent le cortège composé de 30 jeeps couvertes de fleurs et d'imposantes délégations sportives, en tenue. Pour la famille, les amis et les personnalités, l'office a lieu à l'église Notre-Dame de Lourdes. Il est diffusé par haut-parleur. La foule l'écoute dehors avant de saluer le champion en chanson. 600 000 personnes assistent aux funérailles de Marcel Cerdan. Et voici la dernière étape. Le cortège se rend maintenant au cimetière de Benfica, proche de la ville. Le monde a perdu une grande figure du sport. La France et le Maroc, un grand champion. Casablanca, le chic type, le bon copain que chacun aimait. Casablanca s'est recueilli aujourd'hui et a formé la dernière haie d'honneur qui conduit au tombeau où repose maintenant Marcel Cerdan. Marcel Cerdan est vraiment un boxeur exceptionnel. Entre 1933 et 1949, il dispute 123 combats professionnels, soit près de 8 combats en moyenne par an, et remporte 119 victoires, dont 61 par KO. Né à Sidi Bel Abbès, en Algérie, le 22 juillet 1916, Marcel Cerdan, dit Marcel, grandit à Casablanca. Il sera boxeur, son père l'a décrété à sa naissance. Enfant chétif, il rêve de football, mais chez les Cerdan, le ring est un passage obligé. Pour éviter les coups de pied de nerfs de bœuf, Marcel met les gants, comme ses frères, et livre son premier combat à 9 ans. J'étais tout jeune, 8-9 ans, quand j'ai fait mon premier combat de boxe. J'ai réussi à gagner au poing. Mais j'avais gagné surtout pour la prime, parce que le lendemain, nous avons rendu me remettre des primes. Et quand je m'attendais à avoir du chocolat, et ce jour-là, il n'y en avait pas, on avait des espadrilles. Et vous avez pleuré? Je me suis mis à pleurer, et j'ai pleuré tant et tant qu'on est allé chercher un kilo de chocolat pour me le remettre. Il arrête l'école à 11 ans, devient tour à tour aide mécano, aide plombier, commis, apprenti, électricien. Mais Marcel a de l'or dans les poings, son père l'a bien compris. Il délègue son entraînement à Lucien Roupe, qui devient son manager officiel en juillet 1937. Cerdan se lance dans une carrière de boxeur dans l'espoir d'améliorer le sort de sa famille. Le 4 juin 1933, à 17 ans, il dispute son premier combat professionnel. Et le Maroc est bientôt trop petit pour ses ambitions. En 1937, il dispute ses premiers combats à Paris, au Vélodrome d'Hiver, dont le ring accueille les grands combats français. Jeff Dickinson, l'organisateur, veut baptiser Marcel Kid Rabat, Marcel Cerdan. Inutile pour Lucien Roux. Cerdan imposera son nom dans les esprits grâce à son talent, tout simplement. En 1938, il devient champion de France des poids welter et en juin 39, champion d'Europe. Après l'armistice du 8 mai 45, la France est un champ de ruines. Le pays a besoin d'espérance, le pays a besoin de héros. Marcel Cerdan est taillé pour le rôle. Surdoué de la boxe, il compense sa droite fragile par un crochet gauche dévastateur. Capable de disputer 15 rounds, il est la terreur des rings. Oh, une des terreurs. Mais il possède tout, celui-là, la puissance, la vitesse, la technique, l'intelligence de son art et le punch, ce don mystérieux. Il démolit littéralement ses adversaires. Affronter Cerdan, c'est presque suicidaire. Henri Delannoy, Green, Despaux ont vu leur carrière brisée après un combat qui a pu durer, oh, quelques secondes, pas plus. La boxe est un sport solitaire. Il faut gérer l'appréhension et la nervosité dans le vestiaire, trouver le courage de monter sur le ring. Blême, les mâchoires contractées, l'œil aux aguets, Cerdan y monte avec la peur. Oui, oui, j'ai toujours peur des coups que je reçois et j'ai peur des coups que je donne. Pour le plaisir d'une foule en délire, je peux tuer un homme comme je peux être tué, déclare-t-il dans une interview. Le 30 novembre 1945, il devient champion de France des poids moyens en affrontant Hassan Diouf. Hassan Diouf d'entrée encaisse un crochet du droit, puis un autre crochet du droit. Il va dans les cordes, un crochet du gauche et il tombe. Il tombe de nouveau, les bras en croix. Cette fois, j'ai l'impression qu'il ne veut pas se relever. Peut-être le pourrait-il, mais j'ai l'impression qu'il abandonne en ce moment le combat un peu volontairement, car il sent qu'il ne peut rien faire. Il se relève à peine au moment où l'arbitre compte 10, et c'est la fin. Hassan Diouf, qui veut se relever pour serrer la main de Cerdan, retombe comme une masse. Il tombe sur son séant et Cerdan est obligé de le transporter lui-même dans son coin. C'est une fin lamentable pour ce pauvre Hassan Diouf, mais c'est véritablement une victoire glorieuse et sensationnelle de plus au titre de Marcel Cerdan. Cerdan s'inscrit dans les traces de Georges Carpentier, le héros des années 20. Le pays se met alors à rêver d'un nouveau français champion du monde de boxe. Son titre en poche, Marcel Cerdan est devenu une vedette. Joe Longman, son deuxième manager, lui ouvre les portes de la vie mondaine. L'homme aux éternelles lunettes noires est également associé du Club des Cinq, un cabaret à la mode du Faubourg Montmartre. Et c'est là, le 7 juillet, que le boxeur rencontre Édith Piaf. Mais le coup de foudre n'a pas lieu. Ils échangent une simple poignée de main. Non, c'est de l'autre côté de l'Atlantique que naîtra la passion. Édith et Marcel ont un rêve commun, conquérir les États-Unis. New York sera le décor de leur histoire d'amour. Marcel est le premier à poser les pieds sur le sol américain. Le 6 décembre 1946, il franchit les portes dorées du Madison Square Garden, le temple de la boxe new-yorkaise. Dans la mythique salle carrée, il triomphe de Georgie Abrams après un rude combat, gagnant par la même occasion le respect du public américain. Mais le chemin jusqu'au titre mondial est semé d'embûches. En Amérique, au pays d'Al Capone et des gangsters, la boxe brasse beaucoup d'argent. Les liens entre la mafia et l'International Boxing Club, qui organise les combats, sont difficiles à démêler. Le 31 octobre 1947, Marcel Cerdan affronte Anton Radic à Chicago. Le boxeur se sent mal avant de monter sur le ring. Pour la première fois de sa carrière, il va 3 fois au tapis durant le 10e round, mais remporte tout de même le combat. L'entourage du champion soupçonne un empoisonnement lors du repas qui a précédé la rencontre. Pour Piaf, en revanche, les débuts américains ne sont pas simples. Arrivée à New York le 16 octobre 1947, elle doit jouer au Playhouse Theatre avec les compagnons de la chanson. Les New-Yorkais attendent une parisienne légère et sexy. Et bien, ils découvrent une petite femme vêtue de noir et broyeuse de chagrin. La grosse pomme n'est pas paname. Édith chante, mais déchante. Pense même à quitter les États-Unis. Mais Clifford Fischer, le découvreur de talent, lui obtient un nouveau contrat au Versailles, sur Broadway. À New York, Édith et Marcel se revoient à un dîner organisé par une amie commune. Leur difficulté à forger leur rêve américain fait naître une compassion mutuelle et très vite de la tendresse. Mais c'est le duel Marcel Cerdan contre Laverne Rowe qui va tout déclencher. Car Edith est présente. Le champion met KO son adversaire, mais aussi le cœur de la chanteuse, prise par la fièvre du combat. Marcel Cerdan est touché par la petite à la voix envoûtante. De retour à Paris, ces deux-là ont bien du mal à cacher leurs sentiments. S'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Je m'abandonne si tu m'aimes. Je me fous du monde entier tant que l'amour inondera mes matins. Tant que mon corps frémira sous tes mains, je m'abandonne les problèmes, mon amour, puisque tu m'aimes. J'irai jusqu'au bout du monde. Je me ferais teindre en blonde si tu me le demandais. J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune si tu me le demandais. Je renierai ma patrie, je renierai mes amis si tu me le demandais. On peut bien rire de moi, je ferai n'importe quoi si tu me le demandais. Un jour, la vie t'arrache à moi. Si tu meurs, que tu sois loin de moi. Edith Piaf, je voudrais que vous me disiez comment s'est passé votre séjour là-bas aux États-Unis. Bah écoutez, vraiment, ça a été merveilleux. Le public américain m'a fait un accueil vraiment très touchant que je n'oublierai jamais. Et vous comptez y revenir ? Oui, je signe un contrat pour 3 mois au mois d'octobre. Au mois d'octobre. Mais en attendant à Paris, qu'est-ce que vous allez faire ? Eh bien, je vais faire ma rentrée aux ambassadeurs. Oui. Et puis ensuite, peut-être dans un musical dans le Théâtre de l'Étoile, avec les compagnons de la chanson. Je voudrais vous demander, vous poser une question. Oui. Vous avez assisté au combat de Cerdan là-bas. Oui. Que pensez-vous de ce combat ? Ben écoutez, c'était bouleversant et merveilleux, seulement c'est terrible quand on a un copain de le voir se battre comme ça, c'est épouvantable. Mais maintenant, Lucien Roux, je voudrais vous demander, est-ce que vous pourriez appeler Cerdan qui est là-bas et qui est en train de signer encore des autographes ? Cerdan, s'il te plaît, est-ce que tu veux venir une fois au micro ? Est-ce que tu as fait un bon voyage ? Un très bon voyage. Bon, Marcel, je voudrais que tu me dises, avant de terminer, tu as vu Edith Piaf chanter. Oui. Edith Piaf, tu nous as parlé tout à l'heure de ton combat. Alors, je voudrais bien que tu nous parles un petit peu d'elle. Oh, elle est formidable, cette femme. Elle est formidable. Surtout à l'étranger, c'était, ils vont me chanter Edith Piaf. Lever une salle américaine, c'est formidable. Le 18 mars, Edith s'installe à l'hôtel Claridge, dans l'appartement 108, et Marcel loue la chambre voisine. Complice, la presse garde sous silence cette histoire adultère. Lucien Roupe, le manager, lui, voit d'un mauvais œil la liaison entre son champion et la chanteuse, car elle le distrait. Antoine Cerdan, le frère du boxeur, tente de le faire revenir à la raison, mais rien n'y fait, non, parce que Marcel Cerdan est fou d'amour, voilà. Le 23 mai 1948, il perd son titre de champion d'Europe face au jeune belge Cyril Delannoy, un camouflet pour le plus adulé des sportifs français, et une défaite qui pèse également sur sa vie familiale. D'ailleurs, France Dimanche aborde le sujet tabou avec un titre lourd de sous-entendu « Piaf porte malheur à Cerdan ». L'hebdomadaire écrit « Cerdan voit Piaf tous les jours, elle va à tous ses matchs, il va tous les soirs l'écouter chanter ». Piaf est pour Cerdan une femme attirante, au sens où elle lui parle musique, littérature, poésie. C'est nouveau pour lui, il est devenu mondain. Marinette, la femme de Cerdan, lui envoie un télégramme qui signe la fin de leur mariage. Le champion accourt alors à la ferme de Sidi Maârouf pour la convaincre que l'hebdomadaire a dénaturé ce qui n'est bien sûr, enfin voyons, qu'une affectueuse amitié. Mais on ne s'attaque pas impunément au champion. Ses deux managers font une descente musclée à France Dimanche. Le directeur du journal s'en tire avec un petit doigt cassé. La mésaventure ne sépare pas les amants, au contraire. En août, Marcel reprend sa double vie et s'installe dans l'appartement parisien d'Edith, rue Lecomte de Lille. En septembre, deux mois après avoir récupéré son titre européen, il prépare le championnat du monde. Pour l'occasion, le couple retourne aux États-Unis. À Lockshell Drake, une petite ville perdue à 180 km de New York, le champion peaufine son jeu de jambes. Durant une semaine, Edith Piaf loge incognito pour préserver les apparences dans un magalo voisin de celui de son bel amour. Le 21 septembre 1948, le combat pour le championnat du monde a lieu. À Jersey City, dans la banlieue de New York, Marcel affronte Tony Zale, alias l'homme d'acier. À 32 ans, il réalise le rêve de sa vie. Et l'outsider est au meilleur de sa forme. Et l'homme d'acier, lui, se transforme en pitching bull entre les poings du français. Groggy, Zale est incapable de reprendre au 12e round. Marcel Cerdan est champion du monde sous les hurrahs frénétiques de la foule du Roosevelt Stadium. Télégrammes attendent le boxeur victorieux à son hôtel new-yorkais. Mais c'est avec Edith que Marcel veut célébrer sa victoire. Les acclamations qu'elle reçoit chaque soir au Versailles ressemblent aux cris de joie qu'il entend, lui, à la fin de ses combats. Chacun triomphe dans son art. En battant les Américains dans leur sport fétiche, Cerdan a redonné sa fierté à la France, maltraitée par l'occupation allemande et l'armistice il n'y a pas si longtemps. Devenu héros national, son retour à Paris le 1er octobre est fêté en grande pompe. Après sa victoire par knock-out sur l'Américain Tony Zale, le Français Marcel Cerdan, champion du monde poids moyen, arrive à Orly. Dès qu'il a mis pied à terre, on le porte en triomphe vers la gare aérienne, envahi par une foule qui a voulu l'accueillir en grand triomphateur à son arrivée sur le sol français. Comme un chef d'État en voiture découverte, Marcel Cerdan va connaître d'autres foules et une ovation monstre en traversant Paris. Par centaines de milliers, les Parisiens apportent à celui qui a si brillamment défendu les couleurs françaises le salut populaire et enthousiaste avant que Marcel Cerdan ne connaisse la première réception officielle, celle de l'Hôtel de Ville de Paris. Personnes saluent le passage du champion. Marcel Cerdan est le premier sportif reçu au ministère de la Jeunesse et des Sports par le secrétaire d'État, André Maurice. Le 12 octobre, il est félicité et décoré par le président de la République lui-même, Vincent Auriol. Érigé en exemple du courage et de la ténacité, Marcel Cerdan passe à la radio pour exhorter les Français à la persévérance. Lui, l'enfant de Casablanca, a conquis l'Amérique. Alors, la France doit croire en ses rêves. Rien n'est impossible. Un discours bienvenu dans un pays en pleine reconstruction. Tueur sur le ring, Cerdan est aussi un colosse au cœur tendre. Un homme profondément gentil au sourire désarmant qui, devenu une star, ne perd pas sa simplicité. Comme Edith, les Français sont sous le charme de sa personnalité. La chanteuse retrouve avec ce nouvel amour une forme de pureté. Le 3 juin 1949, elle écrit à Marcel. Tu sais, si tu es heureux d'être aimé de moi, crois que moi je suis fière de l'être de toi. Tu es si merveilleux, tu as le génie d'un boxeur, mais tu n'en as pas la mentalité. Tu es si beau dans ton âme, hein, chérie. Tu ne peux savoir depuis que je te connais combien j'ai changé. Si j'avais encore quelques mesquineries au fond de mes pensées, tu les as tuées. Je ne pourrais plus être moche. J'admire tellement l'homme que tu es, mon chéri. Tu ne peux savoir tout ce qui se passe en moi depuis que j'ai ce grand bonheur d'être aimée de toi. Tu m'as rapprochée de Dieu et je n'ai qu'une envie, c'est de te ressembler, avoir ta simplicité, ta grandeur morale. Voilà ce que je souhaite avoir pour être entièrement digne de ton amour. Mon aimé, si tu savais, oh oui, si tu savais comme je t'aime. Je ne trouve jamais rien d'assez beau pour toi. Tous ceux qui te font du mal, je les hais, moi qui n'ai jamais haï personne. Je te veux riche et heureux. Pour le bonheur, fais-moi confiance, je ferai n'importe quoi pour toi. Je t'aimerai n'importe comment, même assassin. Edith fait découvrir à Marcel un autre monde, loin de la boxe. Elle lui fait lâcher les bandes dessinées pour André Gide. Elle veille à ce qu'il possède une belle garde-robe. Sur ses conseils, il porte désormais des chemises sur mesure. Amoureuse, passionnée, la môme fait part d'une tendresse presque maternelle pour celui qu'elle appelle « mon petit » ou « mon gosse ». Le champion est désormais une star mondiale et fréquente tout Paris. Jean Cocteau improvise un poème en prose en son honneur lors de la nuit du bal des petits lits blancs à l'opéra. Pour le champion, qui redevient un enfant timide lorsqu'il doit s'exprimer, cette présentation est le plus grand honneur de sa vie. Lucien Roupu n'est pas de cet avis. Le divorce est prononcé entre les deux hommes. La mauvaise influence que son manager prête à Piaf a sûrement joué un rôle dans cette éviction. Joe Longman gère désormais seul la carrière de Marcel. Et contrairement à son prédécesseur, il est très proche de la chanteuse. Le champion se passionne pour le cinéma. Il sèche parfois les entraînements pour se rendre dans les salles obscures. En janvier 49, il fait ses débuts devant la caméra dans « L'homme aux mains d'argile ». Le film retrace sa vie. Le titre fait référence à sa main droite, si souvent brisée. Il décroche ensuite un contrat pour un autre film intitulé celui-là « Au diable, la célébrité ». Edith et Marcel se comprennent. Grâce à leur talent, ils ont échappé à la misère. Ils sont arrivés au sommet grâce à leur volonté. Ils s'aiment, ils s'admirent, ils se poussent mutuellement à engranger de nouveaux succès. Ensemble, ils se sentent plus forts, et ils sont plus forts, pour affronter les critiques et les jalousies que provoque la réussite. Mais si Cerdan vient de faire ses débuts au cinéma, il n'abandonne pas la boxe. Il retourne en mai 1949 à Lockshell Drake pour se préparer à défendre son titre mondial contre Jack LaMotta aux USA. Un sacré client celui-là. Passé par le pénitencier de Coxsackie, il est l'homme de Frankie Carbo, le patron de la mafia. Edith ne peut accompagner son champion cette fois, car un contrat le retient à Paris. Alors, Marcel se languit de sa chanteuse et prend la plume pour lui faire savoir le 30 mai 1949. Mon amour chéri, comme je t'aime et combien tes lettres me font plaisir. C'est formidable. Je dois être fou ou tu as dû me mettre quelque chose dans le café ou ailleurs, car je ne pense qu'à toi. Je ne vis qu'avec toi. Mais bon Dieu, qu'est-ce que tu m'as fait? Je le sais, oui. Tu es trop gentil avec moi et tu m'aimes. Voilà, ça doit être cela qui me fait t'aimer comme ça. Oh oui, que je t'aime. C'est bien que tu puisses chanter comme avant et que tu aies confiance en toi. Oui, chérie, elles vont toutes crever de jalousie, tes petites amies. Sois quand même une grande dame. Oublie-les. Elles ne sont pas intéressantes. Il y a une Piaf. Il y a une Edith Piaf. Et j'ai la chance, moi, pauvre brute de boxeur, d'être aimée par elle. C'est avec moi que tu rentres le soir et qui couches là contre moi. C'est moi qui ai tes caresses le soir et je me contente de cela. C'est moi qui ai la vraie Piaf, celle qui me lit le soir avant de m'endormir, qui m'embrasse les yeux, les mains et tout. Enfin, c'est moi qui ai la meilleure part. Les autres, ils ont les sourires, peut-être l'admiration de Piaf. Mais je ne me plains pas, chérie. Je t'adore. Je t'aime et ne pense qu'au jour de notre rentrée à la maison où je vais te prendre et te serrer bien fort dans mes bras et t'embrasser amoureusement. Oh chérie, comme je t'aime, moi. Les amants cherchent toujours à rester discrets, mais leur liaison est connue depuis longtemps. Un corbeau, d'ailleurs, se charge d'informer Marinette sur les agissements de son mari. Edith, elle, doit s'expliquer devant la presse et affirmer qu'elle ne veut pas briser une famille. Le public admire le couple que forment le gentil et superbe champion et la rieuse et bouleversante chanteuse. Ils incarnent le rêve et sont deux des personnes les plus aimées de cette France d'après-guerre. Le 16 juin, Cerdan défend son titre de champion face au taureau du Bronx, Jack LaMotta. Et la France est derrière lui, espérant que le champion renouvelle son exploit. Mais le combat en plein air du Bridge Stadium de Détroit se passe mal pour le Français. À la suite d'une bousculade, il glisse et se blesse l'épaule. Son gauche, qui lui a si souvent permis d'emporter la victoire, est inutilisable. À l'appel du 10e round, Cerdan reste sur son tabouret. Il abandonne. Le titre appartient de nouveau aux Américains. Pour la presse française, c'est une tragédie. Le champion, lui, va panser ses blessures auprès d'Edith, bien sûr, avant de retourner chez les siens, à Casablanca. Mais Piaf a de plus en plus de mal à accepter que son amant ne quitte pas sa femme. Superstitieuse, un médium l'a convaincue qu'elle est nécessaire à la réussite de Cerdan. Durant sa tournée en Afrique du Nord, le 23 juillet, elle exhorte Marcel à faire un choix. J'ai appris que tu allais faire construire une villa de 10 millions à Casa et que chaque fois tu t'installais de plus en plus ici. Vois-tu, c'est ça qui me tue et qui me fait ne plus rien comprendre. Fais attention, je t'expliquerai quelque chose qui va peut-être t'ouvrir les yeux. Tu sais que je ne me suis jamais mêlée de cela, mais cette fois-ci je me révolte car tout le monde vient me trouver en me disant que si je t'aime, je dois t'ouvrir les yeux et te mettre en garde. Chérie, il te faut prendre une résolution. D'abord pour tes gosses et ensuite pour toi. Tu es leur père et tu dois aussi les défendre. Après ton combat de septembre, tu te dois de prendre des mesures sévères pour tes petits. Je vais, moi, te proposer quelque chose de très réalisable et qui fera le bonheur de tes gosses et le tien. Je t'embêterai jusqu'à ce que tu fasses quelque chose. Les amants se retrouvent en août sur la Côte d'Azur. Edith annule les contrats pour profiter plus longtemps de Marcel. Il lui promet de prendre une décision concernant leur avenir. Le boxeur, au courage sans faille sur le ring, déteste les conflits dans la vie. Du 13 au 24 août, les tourtereaux embarquent sur le paquebot Île-de-France pour rejoindre New York. À l'Oxel Drake, Marcel reprend l'entraînement. Sa revanche contre la Mota doit avoir lieu au Polo Ground le 28 septembre. Mais la veille, la Mota se fait porter pâle. Le combat est donc remis au 2 décembre. Entre-temps, Edith retrouve la scène du Versailles. Le 14 septembre, elle écrit son fameux hymne à l'amour sur la musique de Marguerite Monnot. Une chanson qui sonne comme une prémonition. En octobre, Cerdan part à Casablanca rejoindre sa femme. Le 26, il est de retour à Paris depuis 3 jours, quand il reçoit un coup de téléphone d'Edith. Impatiente, elle lui dit sa hâte de le revoir. Alors, pour la serrer plus tôt dans ses bras, il choisit de prendre l'avion plutôt que le bateau. Une décision qui transforme l'histoire d'amour en tragédie. Dans un déni de réalité face à la mort de Marcel, Edith se réfugie dans le spiritisme. Elle est persuadée de pouvoir communiquer avec son amant disparu. Déni de réalité, oui, pour tromper la souffrance. La chanteuse est prête à tous les sacrifices. Elle renoue également avec de mauvaises habitudes, l'alcool. Intenable, capricieuse, imprévisible, elle tente de trouver de consolation dans la prière. La violence de la peine est à la hauteur de l'intensité des sentiments. Piaf a besoin d'extérioriser son deuil. Elle sacrifie sa chevelure pour ne laisser qu'un toupet de boucles courtes au sommet de son crâne. Un vrai massacre qui doit être rattrapé par un coiffeur. La métaphore capillaire reste fait désormais partie intégrante de sa nouvelle identité. Mais Edith Piaf est une femme qui ne regrette rien, on le sait, elle l'a chanté, et surtout pas ses histoires d'amour, comme elle l'explique dans 5 colonnes à la 1. Vos chansons chantent toujours l'amour, mais on sait que pour vous l'amour n'est pas qu'un mot, n'est pas seulement un thème de chanson. Qu'est-ce que vous attendez, qu'est-ce que vous avez attendu de l'amour, Edith Piaf? Mais ce qu'il m'a donné. C'est-à-dire? Le merveilleux, le triste, le tragique, l'extraordinaire. Des déceptions aussi? Je n'ai jamais été déçue. Edith Piaf aime à nouveau après la mort de Marcel et elle se marie. Mais son histoire avec Cerdan reste sa plus belle histoire d'amour, comme l'indique le titre de la chanson qu'elle lui dédie en 1960, plus de 10 ans après son décès. Faut pas jouer les loups-bas, pas casser les portes, pas rêver qu'un blouson noir décuple les forces. Si je pouvais m'arrêter là, passer mes gants et mes bras autour de son cou fragile et rêver que c'est facile. Et rêver que c'est facile. Frappe du gauche, frappe des deux mains. Avance toujours, avance. Fais gaffe au contre, serre bien les poings. Avance toujours, avance. Rentre la tête, ton crochet droit. Avance toujours, avance. T'es un ringard, t'as pas de souffle. Avance toujours, avance. T'es pas mobile et t'es trop lourd. Avance toujours, avance. Les coups sonnent, on aime ça. Avance toujours, avance. T'es trop vieux et c'est la dernière fois. T'avances toujours, t'avances. J'aimerais revoir ma mère. Voilà mon grand qui rentre, tout petit en plein hiver, au chaud dans son ventre. Un petit jardin discret, des soucis et des pensées, tout un monde simplifié, et des yeux pour vérifier, et des yeux pour vérifier. Faut pas jouer les loupards, pas casser les portes, pas rêver qu'un blouson noir décuple les forces. Si je pouvais m'arrêter là, passer mes gants et mes bras autour de son cou fragile et rêver que c'est facile. Et rêver que c'est facile. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, Edith et Marcel avec notre invité Patrick Mahé. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste écrivain, vous avez relaté la relation d'Edith Piaf avec Marcel Cerdan dans un livre intitulé « Piaf et Cerdan, un hymne à l'amour ». Bon, cette histoire est toujours émouvante, hein. C'est Roméo et Juliette, là l'adversité c'est pas les familles, enfin si, une en tout cas, mais ça peut être la jalousie, et puis ça a été l'adversité, évidemment le coup du sort et le drame de l'accident d'avion. Alors, Marcel Cerdan, au départ s'appelait Marcelin, hein. je crois que j'ai dit deux fois Marcel tout à l'heure, comme on est en direct, ben, on corrige après, voilà, c'était Marcelin exactement, Cerdan, et il était surnommé Marcelino. Marcelino. Et à Casa. Voilà. Quand il jouait au foot, c'était le petit Marcelino qui jouait au foot. Bien. Et l'un des endroits mythiques où il a boxé, c'est le Madison Square Garden. Absolument. À qui j'ai fait un sort tout à l'heure, dans la prononciation. Voilà, c'est réglé. Alors, le jour où tout bascule, parce que, on l'a dit dans le récit, on a raconté comment, à un moment donné, cette attirance est devenue un amour et un couple. Mais je crois que vous avez, vous, des détails supplémentaires, bien sûr, parce que vous avez écrit ce livre. Je pense que les quelques précisions que vous pouvez nous donner valent le détour. Le jour où tout bascule. Ah, il y a deux rencontres. La première rencontre s'est passée au Club des Cinq, au soir d'un combat contre Charon, contre Robert Charon, où traditionnellement le boxeur va dîner au Club des Cinq, qui est le grand club à la mode, le grand club à la mode qui a été créé à la Libération par Jean Longman et Mittel, son copain Mittel. Ils sont cinq anciens de la deuxième DB, d'où l'explication du Club des Cinq. Mmh. C'est un club qui est situé rue du Faubourg Montmartre où l'équipe aura ses locaux plus tard. Et donc le soir, Michel Aimer, qui est quand même un grand chef d'orchestre, joue In the Mood avec un orchestre de 12 personnes. Ce soir-là, Marcel Cerdan est au Club des Cinq et Edith Piaf également. C'est la première rencontre. Elle est un peu furtive. Oui, ils se serrent la main. Ils seront à la même table. On l'a dit, Daniel Bonnel, qui est la femme de l'accordéoniste de Piaf, va faire la rencontre, mais ce sera furtif. La deuxième rencontre, elle est plus intéressante parce que c'est là où tout bascule, comme vous le disiez. En fait, c'est à New York. Quand ils débarquent à New York, l'un pour conquérir un ring, l'autre une scène. Mais ils sont dans le même cas de figure, en fait, parce qu'ils arrivent tous les deux comme la chanteuse des rues et le boxeur, certes, qui a fait beaucoup de combats, mais qui n'est pas à l'affiche à cause de la guerre qui l'a empêché d'être champion du monde, sans doute, 5 ans plus tôt. Donc, du coup, il faut qu'il reconquiert. Et les Américains lui feront aucun cadeau. Ça, vous en avez parlé. Ils vont lui mettre Abrams, Radic, Laverne Roach, pas mal de boxeurs sur le chemin du titre de champion du monde. Mais, comme il est à New York, et qu'elle est à New York, et ils ne savent pas qu'ils vont se rencontrer ce soir-là. Mais il y a un déjeuner ou un dîner dans une auberge qui est sur l'Hudson River, qui est tenue par des Basques, je crois. L'auberge s'appelle Chez Jean. Et quand ils y vont, l'un et l'autre, enfin, elle arrive, elle, avec Irène de Trébert, qui est une chanteuse, sa grande copine, qui n'a rien à voir avec elle. Elle est blonde, plantureuse, c'est le contraire de Piaf, en quelque sorte. Et c'est sa meilleure amie. Irène de Trébert s'est effacée déjà une fois au profit d'une histoire d'amour pour Piaf, quand elle est tombée dans les bras de Paul Meurice. Et ce jour-là, ils arrivent à cette auberge, et on leur dit en arrivant, c'est fantastique que vous soyez là, parce que figurez-vous qu'il y a aussi Marcel Cerdan. Il y a Marcel Cerdan. Ah bon, mais c'est une petite France alors que vous avez reconstitué. Mais oui, bien sûr, d'ailleurs, on va faire table d'hôte, on va faire table commune, si vous êtes d'accord. Et Irène de Trébert, qui est très avenante et très jolie, est installée par le hasard du plan de table, exactement à côté de Marcel Cerdan, qui, assez rapidement, la regarde avec des yeux un peu énamourés. Irène de Trébert. Et c'est un séducteur, Cerdan. Bah, en tout cas, il a du... Il aime les femmes. Il a du charme. Il est auréolé quand même par un palmarès garni déjà de 108 combats. Certes. Beaucoup de chaos. Enfin, c'est le côté de l'homme comme un peu puissant, point moyen puissant. Et puis, il est là en plus pour conquérir l'Amérique. Donc, du coup, ça lui donne une plus-value, une valeur ajoutée. Et assez rapidement, il va y avoir des petits jeux de jambes sous la table entre Irène de Trébert et Marcel Cerdan. Mais Piaf comprend tout de suite, et qui est en face, fait les yeux noirs, mais noirs vraiment, de vautour. C'est plus un Piaf, c'est un vautour sur Irène de Trébert, qui comprend instantanément, elle n'a pas besoin d'avoir de sous-titres, et qui se lève, qui va dire « Excusez-moi, j'ai un peu chaud, est-ce que je pourrais m'approcher de la fenêtre qui est là-bas, un peu plus loin, pour prendre l'air ?» En fait, ça bien permet à Piaf copine, de venir voilà. à la place de Cerdan, et le soir, eh bien, ils vont rentrer ensemble, et le lendemain matin, à l'heure du café, eh bien, quand Irène de Trébert fera le café pour Edith Piaf, elle découvrira une deuxième tête émergente de la tête de lit, ce sera celle de Marcel Cerdan. Alors, pourquoi aujourd'hui Marcel Cerdan jouit-il encore d'une grande popularité? On en a eu d'autres, des grands sportifs, on a eu Anquetil, Polydor, Raymond Coppa, enfin des gens qui ont porté la France haut dans le sport. Bon, lui, c'est vrai qu'il est c'est mort prématurément déjà, ça joue hein, pour construire un mythe. Il y a deux faits, en réalité, vous avez parfaitement raison. D'abord, c'est l'après-guerre. L'après-guerre. La France a besoin de héros. Et c'est l'après-guerre qui va partir sur le terrain de l'Amérique, qui est venue libérer la France. Donc ça veut dire des choses. Hein. On est vraiment dans un renvoi d'ascenseur costaud, là. Hein. Et puis, l'accident, la tragédie, naturellement, fait que c'est comme James Dean, c'est comme tous ces gens qui disparaissent jeunes, parce qu'il est encore jeune, Marcel Cerdan, même s'il a 116 combats, quand il va, enfin 119 exactement. Il corrige lui-même, au moment de prendre l'avion, l'erreur du nombre de combats qu'on lui indique dans le dernier dialogue qu'on lui connaît. 116 combats, non, 119, répond-il. Et donc, il y a cette tragédie. C'est ça qui fait que, dans cette après-guerre-là, quand la France a besoin de héros, elle va mythifier complètement celui qui va disparaître. Et comme Édith Piaf, en fait, d'une manière testamentaire, nous lègue cet hymne à l'amour prémonitoire, qui a été écrit dans des conditions incroyables, puisque c'est elle qui a composé le texte « Si un jour la vie t'arrache à moi, si tu meurs, que tu sois un de moi ». Donc, du coup, l'écriture, les mots, le poids des mots, comme on dit, prend une résonance considérable. Et comme la chanson est éternelle, on l'écoute éternellement. On est habité par Édith Piaf quand on écoute l'hymne à l'amour. Bien sûr. On imagine ce que ça veut dire et ce qui s'est passé. De plus, elle porte la culpabilité quelque part symbolique de la mort de Marcel Cerdan. Parce qu'elle l'a appelé pour qu'il vienne, déjà. En fait, elle l'appelle parce que il doit, en effet, et vous l'avez souligné, prendre l'Île-de-France, le bateau Île-de-France, qui est le grand paquebot qui traverse l'Atlantique, qu'ils ont déjà pris ensemble. Et il est parti faire un dernier combat avec un sparring partner qui est un boxeur de la région de Arles. Ça se passe à Troyes. Et c'est un combat monté par un des associés du club des Cinq. Donc du coup, ça va retarder son retour vers l'Amérique où il doit aller affronter la Mota et toute sa bande de gangsters qu'on connaît, Frankie Carbo, etc., Rocky Graziano. Elle le somme de prendre l'avion. Quand il lui dit « Mais on a nos places maintenant sur le paquebot, tu prends l'avion ». Le résultat, c'est qu'il prend l'avion. il oblige Joe Longman et son vieux copain restaurateur de la butte Montmartre, Paul Ginzer, à venir avec lui, qui sera victime de ce crash. Mais on va débarquer trois passagers, un couple de jeunes mariés et une dame, une parisienne, qui vont être débarqués de l'avion au moment de partir, qui, eux, seront des rescapés incroyables. Il y a une dame qui doit partir, qui est une madame Hennessy, de la famille Hennessy, qui insiste, on la refoule. Non, madame, trop tard, vous pouvez plus embarquer. Elle insiste tellement qu'elle monte dans l'avion, elle sera dans les victimes, tandis qu'on fait descendre trois passagers, dont un couple de jeunes mariés, qu'on retrouvera une trentaine d'années plus tard, toujours en vie. Les miraculés. Les miraculés de cette catastrophe. Alors, il y a un décalage très intéressant. C'est-à-dire que l'histoire d'Edith et Marcel, c'est une histoire adultère qui est réprouvée par la morale de l'époque. Hein. On a pourtant l'impression que le public ne leur en tient pas rigueur. Comme si il considérait que cet amour tellement pur, tellement beau entre deux Français dans le contexte qu'on vient d'expliquer aux États-Unis, tout ça, passait par-dessus la morale. Oui, mais d'autant plus que, en fait... Marinette Cerdan, qui est la femme de Marcel Cerdan et la mère des enfants, va jouer un rôle quand même tout à fait étonnant dans cette histoire, dans la mesure où elle va après même confier le jeune Marcel Cerdan Junior, à l'éducation d'Edith Piaf, qui va l'accueillir et qui va le faire grandir pendant quelques temps chez elle-même. Donc c'est tout à fait étonnant cette histoire. De plus, on ne lui en veut pas, c'est vrai. Il y a eu l'incident de Piaf a porté malheur à Cerdan et on connaît un journaliste très réputé qui sera le créateur des Césars en France, qui s'appelle Georges Craven, qui a été identifié par Marcel Cerdan comme étant celui qui a dénoncé en fait cet adultère, alors qu'à l'époque toute la presse se tait, et notamment Félix Lévitant, qui est le rédacteur en chef du Parisien de l'époque, et qui tait cette liaison. Et simplement, il a fait une erreur. Il a fait une petite erreur, Georges Craven, qui l'a fait repérer. C'est que dans l'article de France Dimanche, le numéro 91 de France Dimanche, pour des raisons qu'on ignore, il avait donné le téléphone exact d'Edith Piaf sur la copie et quelqu'un avait oublié de gommer. Ce qui fait que, comme il était le seul à connaître le téléphone d'Edith Piaf, rue Lecomte de Lille, eh bien du coup, il a été repéré et c'est comme ça que d'une part, l'histoire est sortie et deuxièmement, qu'il a été légèrement châtié. Est-ce que Marcel Cerdan, apparemment oui, est un très grand boxeur? Est-ce que la place qu'il tient dans l'histoire du sport français de la boxe est à 100% légitime? Ou est-ce que sa liaison avec Edith Piaf et la construction d'une légende pourrait faire en sorte qu'il soit surestimé d'un point de vue sportif? Je pense qu'il n'est pas surestimé parce que d'abord il a énormément de victoires par KO, beaucoup. C'est un boxeur, j'allais dire, humaniste, quelque part. On sait que, par exemple, un jour, il a mis KO Umri, le boxeur Umri, et qui est resté dans le coma pendant quelque temps. Il a passé toute la nuit à l'hôpital, à son chevet, par exemple. Ça a aussi construit sa légende et son histoire. À son chevet, en attendant son réveil. Et puis après, il a dit, mais plus jamais j'oserais frapper un homme comme je l'ai frappé. On l'appelait Menton de Verre. Il savait qu'on l'appelait Menton de Verre. Il a filé une gauche, l'autre est tombé. Manque de bol, il est tombé dans le coma. Et puis, il y a un autre boxeur qui s'appelait Vier, qui lui a dit un moment, la tête sur l'épaule, alors qu'il était quasiment massacré. Marcel, j'ai trois gamins. Et Cerdan a perdu ses moyens. Il a conduit tout le combat sans jamais faire tomber ce boxeur qui venait juste de lui dire « j'ai trois gamins ». C'est incroyable comme histoire, ça. Ensuite, sur son palmarès, il rencontre quand même... Quand il va en Amérique, ils lui mettent toutes les embûches devant les poings. Ils vont chercher des radics, un Lituanien, un Estonien, je ne sais plus ce qu'il est exactement, mais qui est un rock. Ils vont chercher Abrams, qui est un ancien marine extrêmement costaud, qui a déglingué tous les rivaux. Et il les bat, donc il est bon, quoi. Et il les bat assez facilement. Pour Radic, c'est vrai qu'il est malade. Est-ce qu'on l'a empoisonné? Il a commis une petite erreur, parce qu'en fait, en sortant de son déjeuner à Chicago, il a rien trouvé de mieux que de boire un porte-au-flip. Je sais pas si c'est tellement bon de prendre un porte-au-flip avant de monter sur le ring. Et quand il bat Tony Zell est un immense champion. Il est sur le point de battre la Motta. On sait que c'est à cause de ce combat tragique qui n'a pas lieu, enfin, qui n'aura pas lieu, qu'il mourra, parce que Rocky Graziano, encore quelqu'un qui est dans les mains de la mafia américaine, et notamment de Frankie Carbo, va aller le voir au camp d'entraînement de Lock Sheldrake, va constater qu'il est dans une forme éblouissante, et va probablement dire à Jake LaMotta, qui est son ancien copain des rues du Bronx, écoute, Jake, faut pas y aller, il va te tuer. Faut pas y aller, il va te massacrer. Donc, Jake LaMotta invente une blessure à l'épaule droite. Invente, et le combat est reporté. Et à cause du report de ce combat, Cerdan repart à Casa. Et à cause de ce report, après, il va à Troyes. Et à cause de ce report, il prend l'avion au lieu de prendre le bateau, et on connaît la fin. Ouais, ça s'appelle le destin, ça. C'est le destin, ça porte pas d'autres mots. Il avait vu d'ailleurs un voyant juste avant, parce que Edith qui croyait à tout ça. Edith l'avait éduqué, bien sûr, à la lecture, à beaucoup de choses. On sait qu'il lisait pas mal d'auteurs. André Gide, notamment. André Gide en particulier, oui. Il lisait pas mal d'auteurs. Et donc, à un moment, mais comme elle voulait le mettre dans les mains un peu des cartomanciens, tout ça, elle avait présenté quelqu'un qui lui avait dit « Tout va bien dans votre vie, il y a juste un seul problème, vous voyagez trop. » Et deuxièmement, évitez de prendre les airs et surtout un vendredi. Tiens donc. Et c'était un vendredi. Alors, on n'a pas beaucoup parlé de Marinette Cerdan. C'est quand même, on se met à sa place, hein, ce qu'elle a dû vivre, une double peine, triple peine. La première peine d'être trompée, la deuxième pour ses enfants, et surtout la troisième parce que c'est sur la place publique, dans les journaux. Vous avez enquêté autour d'elle, essayé d'avoir quelques J'ai surtout parlé avec Marcel Cerdan Junior, oui, parce que pour ce travail que nous avons fait avec Dominique Grimaud, les deux avoir fait ce livre, on a rencontré énormément de témoins, énormément. Marinette, non. Mais Marcel Cerdan Junior, oui. Et Marcel Cerdan Junior, il est dans un déni, d'ailleurs, tout à fait étonnant, par respect probablement profond pour sa mère. Il n'arrête pas de dire, et c'est un leitmotiv, que cette histoire est une invention de journaliste. Or, quand on connaît naturellement la nature des lettres écrites, dont certaines sont flamboyantes, pour ne pas dire plus de feu qu'elles le sont. Ils sont magnifiques, on parce en que en vous en avez lu tout à l'heure. Ils sont déjà belles. Qui sont extraordinaires. Il y en a qui sont encore plus, on va dire, les gens d'aujourd'hui diraient plus caliente. C'est-à-dire, voilà, je vais dire plus caliente. Mais qui sont des vrais appels à l'amour, etc. Ça existe. Ça, c'est du concret. Alors, oui, Marinette a subi, bien sûr, cet adultère. Edith Piaf attendait de Marcel Cerdan qu'il prenne une décision, c'est vrai, mais elle lui avait dit également, c'est aussi un des paradoxes de la situation, je n'ai pas le droit, Edith, je n'ai pas le droit, moi, de t'arracher à la mère de tes enfants. C'est-à-dire elle est très pieuse aussi en même temps. Elle est très pieuse, oui. Donc elle a des repères moraux comme ça. Dieu, ouais, souvent Dieu. D'ailleurs, vous parlez des lettres, moi j'en ai deux là, qui sont dans le livre, dont une qui a été écrite juste après la mort de Marcel Cerdan, où elle parle de Dieu, elle parle du ciel, elle parle également de ce qui va se passer plus tard quand elle fera tourner les tables, les esprits qu'elle va le chercher pour lui ramener Marcel, où elle se fera avoir par sa demi-sœur Simone Berthaud. C'était pas compliqué, hein, Simone Berthaud, elle était autour d'une table ronde, et puis Simone Berthaud tapait sous la table en disant « Ah Marcel, voudrais que tu fasses ci, ah Marcel, voudrais que tu fasses ça. Tiens, Marcel me dit que ça serait bien de m'acheter un manteau, par exemple. » Et elle écoutait, et elle suivait, parce qu'elle croyait que c'était Marcel Cerdan qui lui dictait des choses dont on pense que Simone Berthaud était à l'origine. Où est Piaf à l'enterrement de Cerdan? Alors, quand Cerdan est mort, Piaf est à New York. Ouais. Elle est à New York, elle chante au Versailles, dans des circonstances terribles que vous avez soulignées. J'imagine, oui. Elle devait chanter 8 chansons. Les Américains, sachez-le, au Versailles, s'arrachaient les places au marché noir pour l'avoir chanté le soir même de la mort de Cerdan. Et donc, elle chante 8 chansons et elle s'effondre au bout de la 4e sur scène. Voilà la fin de l'histoire. Quel est votre regard? Ce sera la toute dernière question, il reste 20 secondes. Hein. Quel est votre regard sur le film de Lelouch, Edith et Marcel? Je l'ai trouvé très bien, à ceci près qu'il y a deux histoires en une, et que moi j'aime bien quand les histoires sont... Ah oui, mais ça c'est Lelouch, mais c'est Lelouch. C'est Lelouch, en tout cas, il est quand même assez fidèle. Et il a d'ailleurs, il s'est servi d'une histoire qu'on a racontée, d'ailleurs au début, la première scène, qui est l'annonce de la mort de Marcel Cerdan. Et quand Edith Piaf pleure, hurle, c'est terrible d'ailleurs, ça nous met tout de suite dans l'ambiance. Scène qui nous a été racontée par Madame Geneviève Lévitant. Merci infiniment Patrick Mahé, co-auteur avec Dominique Grimaud du livre Piaf Cerdan, un hymne à l'amour. Merci, au revoir. Merci beaucoup. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, Edith Piaf et Marcel Cerdan, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, nous évoquerons l'itinéraire du négationniste Robert Forisson.